encore un 60ème. Le rap est mort, sortez les chrysanthèmes. Je me renferme sans cesse comme dans une prison terne. Trop de prises de tête, des crises et mon mal-être. Mais y'a toujours pas de sous dans ma mallette. Monde pervers, ils rêvent tous de belles filles en string et matent leurs fesses sans cesse, mais sur des films en stream. Ils parlent tous de sexe et de Pinocchio. Ce ne sont que des langues de bois, des mythos, bref, que des Pinocchio. Je suis toujours là, mignon, et je traîne par ici. Je taffe comme un galérien, pas comme un paresseux, heureux sans l'euro. Tu crois l'être, ton monde est utopique, lit entre mes lignes et à travers les lettres. J'écris, m'écris, m'écris, je maigris et j'ai la dalle. J'écris, écris mon quotidien gris, mais très banal. Bref, je veux que la roue tourne, baiser la routine, chier des euros, pisser des centimes. À tous crever, autant bien vivre, s'évader, être libre, libre. Et bien évitons les bâtons dans nos roues et matons. L'avenir du bon oeil à la bonne heure, il est temps que je bouge vers le bonheur. Quitte à tous crever, autant bien vivre, s'évader, être libre, libre. Et bien évitons les bâtons dans nos roues et matons. L'avenir du bon oeil à la bonne heure, il est temps que je bouge vers le bonheur. Qu'allons-nous faire demain? Que vais-je donc faire de mes demain? Les mêmes questions existentielles, les mêmes proches au ciel. Fais chier, tous fauchés, fâchés, fichés. Obligés de tricher ou de boire jusqu'à quicher. Qui sait? Si on s'en sortira, dans l'eau je m'estime heureux. Et je pense qu'ici-bas, pas de place pour les peureux. Tout, vraiment tout, tourne autour de la thune. Villa, femme, amis, piscine et belle voiture. Mais ne jalouse pas les riches et leur putain de salaire. Ça m'écœure juste de respirer le même putain de salaire. Je hais leur bourse et tout leur compte en Suisse. Leur dieu les maudisse et que leur femme écarte bien les cuisses. On avance, certes, mais vers où? On finira fou, pauvre sous une croix ou derrière les verrous. Texte cru d'un homme cuit, qui l'eût cru, hein? Égaré même perdu, oui, mais sur le droit chemin. Quitte à tous crever, autant bien vivre, s'évader, être libre, libre. Et bien évitons les bâtons dans nos roues et matons. L'avenir du bon oeil à la bonne heure, il est temps que je bouge vers le bonheur. Quitte à tous crever, autant bien vivre, s'évader, être libre, libre. Et bien évitons les bâtons dans nos roues et matons. L'avenir du bon oeil à la bonne heure, il est temps que je bouge vers le bonheur. Se barrer loin, c'est ma solution à force de se marrer moins. C'est la dépression, on avait besoin de si peu. Lorsqu'on était gosse, on m'a trop menti, dit des choses qui s'avéraient fausses. J'ai grandi et je t'avoue que j'ai peur pour la suite. Je m'évade et prends la fuite par d'innombrables cuites. À coups d'alcool fort, on est nombreux à vivre ce que je colporte. J'aime mes proches, mais faites que les cons partent. Y'a trop de rouge crack, comme le string d'une actrice X, esclave d'un système, révoltée à la Crixus. J'ai horreur qu'on me crie dessus ou qu'on me commande. Et avec le temps, je suis moins commode, je suis borderline. Il en faut peu pour que je déraille. Vraiment trop con, quand je me comporte en petite canaille. Je finirai toujours pareil, dans la provoque. Sourire en coin pour la faucheuse, suivi d'un gros fuck. Quitte à tous crever, autant bien vivre, s'évader, être libre, libre. Et bien évitons les bâtons dans nos roues et matons. L'avenir du bon oeil à la bonne heure, il est temps que je bouge vers le bonheur. Quitte à tous crever, autant bien vivre, s'évader, être libre, libre. Et bien évitons les bâtons dans nos roues et matons. L'avenir du bon oeil à la bonne heure, il est temps que je bouge vers le bonheur. Yeah. Vers le bonheur, LERAC poteau. Et tant que je bouge, tu connais le topo. Vers le bonheur, vers le bonheur. 2015.